tête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerai. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Oh, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon mot. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole, parole, parole, encore des paroles. Que tu sais mon mot. Parole, parole, Alain Delon et Dalida sur RGM, un peu plus de 8h37. On parle maintenant anniversaire. Ils sont nés un 8 novembre 1914. Naissance de Norman Lloyd, acteur américain, qui est d'ailleurs actuellement le doyen des acteurs américains, vu dans pas mal de films d'Alfred Hitchcock, pardon, dont notamment Cinquième colonne, où il interprétait le rôle de Frank Frear, ou encore La maison du docteur Edwards, dans le rôle de Monsieur Garms, et on avait pu le voir également dans Le Cercle des Poètes disparus dans le rôle de Monsieur Nolan. 1935, naissance d'Alain Delon. Acteur français, vu dans Rocco et ses frères dans le rôle de Rocco Parondi, Le Guépard dans le rôle de Tancredi, Paris brûle-t-il, La Piscine dans le rôle de Jean-Paul Leroy, Le Clan des Siciliens dans le rôle de Roger Sartet, Borsalino, Borsalino & Co dans le rôle de Rock Siffredi, Notre Histoire dans le rôle de Robert Avranches, récompensé par le César du meilleur acteur. Il a interprété Jules César dans Astérix aux Jeux Olympiques et on a pu le voir à la télévision dans la série Fabio Montal, où il interprétait le rôle de Fabio Montal, ainsi que dans la série Franck Riva, dans le rôle de Franck Riva, d'ailleurs producteur de cette série et producteur des films Borsalino et Borsalino & Co. 1952, naissance d'Alfred Woodard, actrice américaine, vue dans Grand Canyon, Passion Fish, 12 Years a Slave, Captain America Civil War, la série télé Desperate Housewives, dans le rôle de Betty Applewhite, ou encore Grey's Anatomy. 1959, naissance de Tom Novembre, acteur français, vu dans Prêt-à-porter dans le rôle de Reggie, Espace détente, la série télé Caméra Café dans le rôle de Stanislas Przybylski, la saga de l'été Zodiac dans le rôle de Gildas de Chabannes, Nicolas Le Floch dans le rôle du comte de Saint-Germain. 1964, naissance de Pierre Salvadori, réalisateur français à qui l'on doit Les Marchands de Sable, Hors de prix, De vrais mensonges, où il est également coproducteur et aussi le film Dans la cour. 1966, naissance de Gordon Ramsay, célèbre chef cuisinier et restaurateur écossais, également présentateur de plusieurs émissions télévisées. 1967, naissance de Courtney Thorne Smith, actrice américaine connue pour son rôle d'Alison Parker dans la série télé Melrose Place, son rôle de Georgia Thomas dans Ally McBeal est vu également dans Mon oncle Charlie. 1968, naissance de Parker Posey, actrice américaine vue dans Vous avez un message, Scream 3, Blade de Trinity dans le rôle de Danica Talos, Superman Returns dans le rôle de Kitty Kowalski, Grace de Monaco dans le rôle de Madge TV Falcon, la série télé As the World Turns dans le rôle de Tess Shelby. 1969, naissance de Boris Terral, acteur français, vu dans Pédale douce, Laisse tes mains sur mes hanches, Le bal des actrices, à la télé dans Joséphine Ange Gardien, la saga de l'été Le maître du Zodiac dans le rôle de Loïc Daguerre, vu également dans R.I.S. Police conseil scientifique, profilage, section de recherche. Et depuis l'année dernière, on peut le voir de temps en temps dans des épisodes de Demain nous appartient. Il interprète le rôle de Christophe Bourgueil, c'est l'avocat. Pour ceux qui ne remettraient pas le nom, j'ai cherché. 1973, naissance de Florence Foresti, humoriste et actrice française, vue dans Mes amis, mes amours, Hollywood dans le rôle de Jeanne, Paris à tout prix, Barbecue ou encore À fond, et scénariste du film Hollywood. 1975, naissance de Tara Reid, actrice américaine, vue dans Urban Legend dans le rôle de Sacha Thomas, Sex Intention dans le rôle de Marcy Greenbaum, American Pie 1, 2 et 4 dans le rôle de Vicky Latom. 1976, naissance de Colin Strauss, réalisateur américain qui, avec son frère, on doit Alien vs Predator, Requiem, Skyline et designer des effets spéciaux pour des films comme Le Jour d'après, Poséidon, 2012, Avatar ou encore Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. 1989, naissance de Morgan Schneiderlin, footballeur français qui de 2006 à 2008 a joué à Strasbourg, de 2008 à 2015 à Southampton, de 2015 à 2017 à Manchester United et depuis 2017 il joue à Everton. En 2003, c'était la naissance de Louise Mountbatten Windsor, princesse britannique, fille aînée du prince Édouard, comte de Wessex, petite-fille de la reine Elisabeth II. En 1974, décédé Ivory Joy Hunter, chanteur pianiste américain. En 1979, décédé Yvonne Vandroux, première dame, qui fut la femme du président Charles de Gaulle. En 1998, décédé Jean Marais, acteur français, vu dans La Belle et la Bête, Le Bossu dans le rôle du chevalier Henri de Lagardère, alias Le Bossu, vu également dans la trilogie Fantomas, dans le rôle de Fantomas et Fandor le journaliste. Et en 1994, on avait pu le voir dans Les Misérables de Claude Lelouch, dans le rôle de Monseigneur Myriel. On va tout de suite écouter Ivory Joy Hunter, connu pour le titre Since I Met You Baby, qu'on écoute tout de suite. Since I met you, baby, my whole life has changed. Since I met you, baby, my whole life has changed. And everybody tells me that I am not the same. Ivory Joy Hunter sur le 107 FM, un peu plus de 8h45 et c'est temps, il est temps, mais c'est plus français, pour nous de faire un petit point sur la météo. La météo. Alors, par endroit, il y a pas mal de nuages ce matin, mais ceux-ci vont se dissiper pour laisser apparaître le soleil. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés ce matin, entre 11 et 12 degrés cet après-midi. Pour vendredi, cela devrait être une journée pluvieuse. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 12 et 13 degrés l'après-midi. Samedi, journée plutôt mitigée. Des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin et entre 13 et 14 degrés pour samedi. Après-midi, allez, on file vers le sport. Les résultats sportifs. Et on commence bien évidemment avec le football et la Ligue des Champions et Lyon qui peut avoir des regrets. Il menait 2-0 et au final, eh bien, ça fait 2-1 hein, face à Hoffenheim. Mais l'Olympique Lyonnais garde quand même ses chances hein, de se qualifier pour la suite de la compétition. Le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée hein, du Victoria Plzeň. Le club espagnol s'impose 5-0. Et Manchester United s'est imposé à la Juventus 2-1. Ce soir, c'est l'Europa League avec Rennes qui fait un déplacement au Dynamo Kiev, Marseille qui se déplace à la Lazio Rome et Bordeaux qui reçoit le Zénit Saint-Pétersbourg. Un mot de basket maintenant avec les résultats de cette nuit en NBA et malgré les 27 points d'Evan Fournier, eh bien Orlando s'est incliné 96-103 face à Détroit. L'équipe de New York de Tilikina à 14 points s'est imposée face à Atlanta 107-112 et l'Utah Jazz de Rudy Gobert à 17 points s'est imposé 117-102 face à Dallas. Un mot de tennis avec le tournoi de Limoges. Hier, la qualification d'Albi en 2-7 face à Kudermetova. 7-5, 6-2 et la qualification de Parmentier en 2-7 face à sa compatriote Ferro. 7-5, 6-2. Aujourd'hui, Parmentier affrontera Korpach et Albi sera opposé à Rodina. Et au Next Gen ITP Finals, une victoire pour Urkaz face à Mouniard, victoire de Fritz face à Caruana, Tsitsipas s'est imposé face à Tiafoe et Demi-Nord s'est imposé face à Rublev. Aujourd'hui, Tiafoe affrontera Mouniard, Rublev se repose à Caruana, Demi-Nord à Fritz et Tsitsipas à Urkaz. Un mot de hockey sur glace avec le tournoi des 6 nations féminin et l'équipe de France qui était menée 2-0 face à la Slovaquie est revenue à 2-2 avant de s'incliner 3-2 après les prolongation. Et un mot de biathlon maintenant, on va parler de l'étape de Coupe du Monde du Grand Bornand. Grand succès l'année dernière. Eh bien, le Grand Bornand sera de nouveau au programme en décembre 2019, mais pas seulement. Aussi en 2020 et en 2021. Voilà, pour les passionnés de biathlon, eh bien, pendant 3 ans, il y aura une manche en France, c'est une très très bonne nouvelle. Et pour les fans, par exemple, de Martin Fourcade, hein, qui voudraient le voir bien avant qu'il prenne sa retraite, il a déjà donné rendez-vous l'année prochaine et ce serait peut-être une des dernières fois où on pourrait le voir, hein, parce qu'il a quand même annoncé qu'il pensait, pourquoi pas, prendre sa retraite incessamment sous peu. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Il s'entraîne avec le reste de l'équipe de France, dont on peut voir des images hein, sur les différents réseaux sociaux de l'équipe de France, Antonin Guigona qui nous fait une figure de style face à son arrivée face à Émilien Jacquelin. Simon Fourcade qui a également partagé une vidéo qui arrive juste devant son frère. Hein. Ça se joue à quelques centimètres. Il a partagé hein, que ça ne lui arrivait pas souvent. Donc voilà pourquoi il en profitait d'ailleurs hein, pour mettre ses images. Donc voilà, pour l'instant, tout se passe bien pour l'équipe de France masculine hein, qui est actuellement en Norvège où il y a de la neige. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec Lady Gaga, Bradley Cooper, le titre Shallow, issu hein, du film A Star Is Born. Modern world, or do you need more?